refrain de Jean-Patrick. 1, 2, 3, 4. T'es dans le désert. Je suis trop longtemps. Après, vous pourrez la faire en version. Je vais vous laisser, hein. Je vois pas tu. Depuis trop longtemps. Ouais, d'accord. Moi aussi, je vais manger là. On va manger, hein. On a besoin de manger. Chaque jour là, les gens ne sont pas en train de manger. Tu vois, les filles. Les gens sont. Nous, je ne mange jamais, hein. Vous, vous comprenez que nous. Nous mangeons convenablement. Je trouve les accords. Depuis trop longtemps.